Eh bien, on reprend. Les six piliers, considérations provenant du début de l'intrigue biblique. Numéro 2, considérations provenant de la fin de l'intrigue biblique. Numéro 3, considérations sur la place de la souffrance des innocents. Numéro 4, considérations sur le mystère de la providence. Numéro 5, considérations provenant de la croix. Et finalement, considérations au sujet de la souffrance causée par la persécution. Maintenant, avant de prendre des questions, je veux terminer avec quatre réflexions, quatre méditations davantage. Numéro 1. L'approche que j'ai adoptée dans ce cours, la théologie de souffrance, l'approche que j'ai adoptée n'est pas tout simplement une question de pourvoir une liste de passages qu'il faut apprendre par cœur afin que nous puissions avoir quelque chose à dire quand nous confrontons n'importe quel cas de souffrance dans le monde. Nous avons maintenant une liste de textes et ça nous prépare pour donner de bonnes réponses. Oui, nous avons examiné une assez longue liste de textes et tout cela. Mais au lieu tout simplement d'avoir une liste de preuves ou une liste de raisons, ce que je voulais vous démontrer, c'était qu'avec ces six piliers, on peut soutenir une structure de théologie, une vision du monde, une théologie qui nous enseigne comment penser, comment évaluer les choses, quels sont nos buts, nos priorités, et ainsi de suite. Et pour cette raison, ce n'est pas quelque chose qu'on peut enseigner à quelqu'un avec une demi-heure et six textes ou quelque chose comme cela. C'est une façon de penser qui est tout simplement biblique. Il faut apprendre de nouveau l'intrigue biblique. Il faut connaître Dieu. Il faut voir comment il est souverain et bon. Il faut jongler sur les passages comme Job qui parle du mystère de Providence et la souffrance des innocents et des choses comme cela. Ce n'est pas tout simplement d'avoir des réponses courtes comme des clichés qui peut tout bénir. Et c'est pour cette raison que ce n'est pas facile partager avec une congrégation, à moins qu'on prenne du temps, de temps en temps, à créer la structure de la théologie biblique et ensuite développer les points qui sortent de cela. Vous voyez? En plus, cela présuppose que ce que j'ai essayé de vous donner, c'est quelque chose que j'ai mentionné hier soir. En effet, c'est une prophylactique. C'est quelque chose qui nous prépare pour la souffrance. Quand nous tombons dans la souffrance, c'est déjà trop tard. Il y a quelques personnes que j'ai rencontrées dans la souffrance qui sont prêtes à écouter à ce point. Mais souvent, ceux qui tombent dans la souffrance, ils deviennent prêts seulement après la souffrance. Dans la souffrance, c'est vraiment difficile d'écouter, vraiment, si la souffrance est sévère. Donc, il faut mettre ces piliers en place dans nos vies avant l'heure de souffrance. Autrement, nous ne serons pas stables. Ces piliers sont des piliers. Ça prend du temps à les implanter dans le terrain de nos âmes. Mais ces piliers nous donnent la force et la stabilité et une vision du monde qui persévère s'ils sont bien plantés avant qu'arrive la souffrance. Deuxième méditation. C'était une théologie de souffrance, oui, oui, c'était une théologie de souffrance, oui. Donc, dans ce sens, je n'ai pas donné une longue liste de suggestions quoi faire du point de vue pratique quand quelqu'un souffre. Mais je serai le premier à dire que quand quelqu'un souffre, disons dans notre assemblée, la première chose à faire, ce n'est pas de citer une longue liste de passages. Il y a une bonne exception. Quand le frère ou la sœur en Christ est déjà contrôlé par cette théologie, est déjà bien mûr dans la théologie de souffrance, citer ces passages avec compassion, avec amour, ça leur fait se souvenir des promesses de Dieu, la théologie qu'ils ont déjà adoptée. Et ça peut être une grande consolation. Mais si quelqu'un cite un passage pour un frère ou une sœur en tristesse, « Eh bien, nous savons que Romains chapitre 8, 28 est vrai. Que le Seigneur te bénisse. Hein? » Ça n'aide rien. Si on le cite dans un contexte de quelqu'un qui se fie réellement à la grandeur et la bonté de Dieu, la souveraineté de Dieu, dans un contexte où c'est bien évident, toi tu le crois et lui aussi il le croit. Donc ça peut être la consolation, si ce n'est qu'un cliché, surtout pour une personne, qui ne connaît pas la Bible. Ça semble même cruel, ça semble seulement une façon d'exprimer le pouvoir. Je suis plus spirituel que toi. Moi, je ne souffre pas, mais j'ai les réponses pour toi. Mais quand même, après avoir tout dit cela, il faut dire que bien souvent, les choses qu'il faut faire quand un frère ou une sœur en Christ souffre, ce sont une longue liste de choses pratiques. On apporte des repas. On garde les enfants. On coupe leur gazon. Peut-être on paye leurs dépenses. On est là seulement pour les encourager. Je me souviens, il y a plusieurs années maintenant, un jeune couple dans notre église en Angleterre, quand j'étais là à Cambridge, à travers 9 ans, un jeune couple, leur premier né était un petit garçon qui est né avec spina bifida, assez avancé. Ce pauvre bébé n'avait même pas des eyelids, des quoi? Des paupières, n'avait même pas des paupières. Ce bébé a survécu seulement 10 jours. Et chaque 10 minutes, il fallait ajouter des larmes artificielles à ses yeux parce qu'il n'avait pas de paupières et les yeux sécheraient. Hein? Chaque 9 minutes, 10 minutes, à travers 10 jours, c'était 3 familles dans l'église qui ont fait cela afin que les parents pouvaient dormir, pleurer, faire d'autres choses. Hein? Ils ont pris le tour seulement à ajouter les larmes artificielles. Ce n'est pas le temps de prêcher Ésaïe 53. C'est le temps d'ajouter des larmes artificielles. Vous voyez? Et dans bien des pays, après tout, il n'y a pas un système médical, il n'y a pas un système pour garder les vieux, il n'y a pas un système pour soigner les pauvres ou les malades. C'est l'Église qui fait cela. En bien des pays. Donc, je ne voudrais pas signaler du tout que tout ce que ça nous prend, c'est une théologie. Mais pas de compassion. Pas prendre comment véritablement aider. Oui, ça prend la théologie pour nous établir. Mais ce cours-ci n'était pas un cours dans les choses pratiques qu'il faut faire pour aider nos frères et sœurs, soit ici, soit ailleurs. Et même Même aujourd'hui, dans bien des églises, il y a une discussion au sujet de la place de l'action sociale et de la prédication de la parole. La raison, c'est parce que dans le passé, des chrétiens qui ont mis tout leur emphase sur l'action sociale, surtout vers l'année 1920 et les années suivantes, en fin de compte, ils ont perdu la prédication de l'Évangile. Donc, en réaction, il y a un assez grand nombre d'églises conservatrices qui soulignent l'importance de la prédication de la parole de Dieu et ils laissent l'action sociale aux libéraux, au gouvernement, quoi que ce soit. Ce n'est jamais été comme cela dans les premiers trois siècles. Tertullien, par exemple, vers la fin du deuxième siècle, quand l'Église était persécutée, il a écrit à l'empereur pour lui dire, entre bien d'autres choses, « Ne sais-tu pas que nous, les chrétiens, nous pourvoyons assez de nourriture ces temps de famine, non pas tout simplement pour tous nos membres, mais pour la moitié de l'Empire? » Maintenant, c'est toujours possible que si nous mettons tout l'emphase sur l'action sociale, on perd l'Évangile. Oui, c'est toujours facile. Il y a toujours un danger. Mais il y a aussi danger de prêcher la soi-disant Évangile sans compassion qui élimine notre crédibilité. Comment aimer des personnes qui sont des personnes créées dans l'image de Dieu si on aime seulement leurs âmes, mais pas les personnes, en effet? Ce n'est pas croyable. Je pourrais vous donner une longue liste de choses à faire dans de circonstances différentes, mais ça dépend complètement de l'endroit, la place. Je pourrais mieux vous donner des exemples de l'Afrique ou de l'Amérique du Nord qu'ici en Europe, parce que je ne demeure plus ici depuis assez longtemps. Mais il faut au moins soulever la question, n'est-ce pas? Comment démontrer que nous sommes les premiers pour nous offrir à ceux qui souffrent? Parce que nous connaissons que c'est un monde perdu, c'est un monde sous la peste et la malédiction, et nous avons tellement reçu consolation de Dieu que nous aussi, nous voulons consoler d'autres. Et la souffrance que nous voulons surtout ôter, c'est la souffrance de l'enfer. Donc, il y a aussi la prédication de l'Évangile. Vous voyez, ça fait partie de tout un spectre. Hein? Ce n'est pas sauver les âmes ou éviter la souffrance, parce que même prêcher l'Évangile, c'est éviter la souffrance, même la souffrance suprême de l'enfer. Hein? Donc il faut toujours préserver la centralité de la proclamation, de la prédication de la parole de Dieu. Oui. Mais ça doit toujours être dans le cadre de la joie de l'Éternel, comment répondre à la souffrance, de l'obéissance, d'augmenter sa crédibilité dans le monde et tout cela. Hein? Ce n'est pas que prêcher l'Évangile se trouve dans un petit coin ici et pour le reste de ma vie, je fais ce que je veux comme une autre personne séculière. Ça change tout. Et c'est l'Évangile de Jésus-Christ, le Jésus-Christ crucifié et ressuscité qui me contrôle. C'est ça le point qu'il faut adopter par une bonne théologie de souffrance. Troisièmement, quelle sorte de consolation donc pouvons-nous donner à ceux qui ne sont pas chrétiens? Dans un sens, il y a toutes sortes de choses pratiques qu'on peut faire. J'aime bien ça quand il y a quelqu'un dans notre voisinage ou dans notre ville, il y a quelque chose qui arrive qui est assez horrifique ou terrible, triste. Et ce sont les chrétiens qui sont les premiers à donner un coup de main. Déjà, ça dit quelque chose, n'est-ce pas? Déjà. Mais à part de cela, quelle sorte de consolation est-ce que nous pouvons offrir du point de vue de parole, du point de vue de ce que nous enseignons? Dans un sens, si on peut élimer toute leur souffrance physique, mais ils ne connaissent pas le Seigneur, ils sont allés à la destination de souffrance, quand même. Donc, c'est toujours le temps de partager l'Évangile. Toujours, toujours. Mais il faut admettre quand même que bien souvent, ils ne sont pas prêts à l'entendre dans la rigueur de leur souffrance. Oui, oui, oui, oui, je le sais. Mais on continue. Nous sommes les amis. Et surtout, ce que je trouve, c'est que quand ils posent des questions comme « Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? » Une bonne réponse est souvent « Je ne peux pas expliquer cela. » Mais je connais le Dieu qui a envoyé son Fils souffrir. Il connaît la souffrance. Et lui, il a une bonne réponse. Donc, on essaie toujours de tirer l'attention vers le Christ, vers la croix. Vous voyez? On ne présuppose pas que nous avons toutes les réponses. Si quelqu'un nous pose la question, pourquoi, pourquoi, dans la pleine rigueur de leur tristesse, et nous répondons, eh bien, je pense que je peux répondre à cette question, mais ça me prendrait 7 ou 6 heures avec une théologie de la souffrance. On n'a rien gagné. Ça semble être trop intellectuel, trop supérieur même. Même quand des personnes posent la question « Pourquoi ?» dans la tristesse, ce n'est pas une réponse qu'elles veulent. C'est plutôt la consolation. C'est une voix qui dit « Je comprends ». Pas « Je comprends la réponse », mais « Je te comprends ». Donc, la meilleure réponse est souvent, tout simplement, « Je ne peux pas connaître toutes ces difficultés et toutes les réponses, mais je connais le Dieu qui, dans la personne de son Fils, a souffert d'une façon incroyable et abominable pour moi. » Et lui, je le connais. J'aimerais que tu le connaisses aussi. Donc, on revient à l'Évangile. Vous voyez? Ça change les catégories. Donc, des questions de théodicée, des questions comment justifier Dieu dans tout cela, ça nous donne une occasion de revenir à la croix, à l'Évangile, au témoignage, encore une fois, vous voyez? Quatrièmement, j'ai presque peur de dire cela, mais je vais le dire quand même. Il me semble, dans la Bible et dans l'expérience, je ne peux pas tout simplement citer un passage pour le prouver, mais je pense qu'il y a la tendance dans la Bible qu'en général, je peux imaginer 2-3 exceptions, mais en général, ceux qui connaissent bien Dieu, quand ils souffrent, en général, il y a des exceptions, mais en général, s'ils connaissent vraiment bien l'Évangile, le Dieu de la Bible et tout cela, quand ils souffrent, s'ils connaissent Dieu bien, leur première pensée n'est pas vis-à-vis la théodicée, mais vis-à-vis la repentance. C'est-à-dire, je vous donne des exemples pour expliquer cela un petit peu. Sans doute vous connaissez Néhémie, chapitre 9 et 10. Le peuple est dans la tristesse. Oui, ils ont construit la muraille. Oui. Mais il y a l'injustice encore. Il y a l'ignorance de la parole de Dieu. Il y a des ennemis un peu partout. Il y a des dangers politiques, sociaux, économiques. Et quand on a commencé de lire la parole de Dieu dans cette étude biblique qu'Ezra, Esdras a dirigé, le peuple a commencé à pleurer avec repentance parce qu'ils se sont rendus compte comment ils étaient éloignés de la loi de l'Alliance. Voilà la marque de réveil. Il me semble que quand un peuple s'approche véritablement de Dieu par la puissance de l'Esprit, ce n'est pas à ce point qu'il pose toutes sortes de questions, comme chez Habacuc. Pourquoi, Dieu? Pourquoi as-tu permis que les Assyriens pour le nord, les Chaldéens pour le sud, nous ont battus? Ils sont plus méchants que nous. Et maintenant, nous sommes toujours dans une position difficile, et une position d'injustice, une position pauvre. Pourquoi est-ce que tu fais cela? Non. Il se repentit. Il se repent. Il pleure parce qu'il commence à voir la distance, comment ils sont éloignés de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, des standards de Dieu, de la loi de Dieu. Je pense que la raison pour laquelle nous avons vu un véritablement grand nombre de livres au sujet de la théodicée, c'est-à-dire au sujet de la théologie de souffrance, c'est ce que c'est la théodicée, c'est-à-dire comment justifier Dieu devant ces holocaustes, ces souffrances. La raison pourquoi un si grand nombre de livres ont été écrits à travers les dernières trois décennies, un grand nombre de livres. Je ne connais pas toute la littérature française. J'en connais quelques-uns, mais dans la littérature anglaise, ces livres sont partout. De bons livres, de mauvais livres, de livres assez profonds, des livres qui ne vaut presque rien. Tout le monde touche cette question. Et qu'est-ce que ça signale? Nous ne sommes pas dans un temps de réveil. Parce qu'il me semble, dans un temps de réveil, ce n'est pas cette question qu'on pose. Au moins pas souvent. Nous nous trouvons plutôt dans un esprit de repentance. Et nous demandons à Dieu de nous pardonner, de nous bénir, de comprendre comment nous sommes méchants, de retourner encore une fois à la croix. Voilà la seule place où il y a véritablement de l'espérance, de pardon, la vie éternelle. Ça change, c'est-à-dire, toutes les priorités. Il y a quelques années, nous avons reçu à Trinity un étudiant qui voulait poursuivre son doctorat de troisième cycle. Son nom, c'est Mike Wheeler. Il était missionnaire en Bolivie? Oui. Il est allé en Bolivie célibataire, comme jeune homme. Il a bien appris l'espagnol. Et il était efficace, fructueux dans son ministère. Il était là pour à peu près 15 ans quand sa mission l'a envoyé à Trinity pour étudier, pour gagner son doctorat de troisième cycle parce que la mission voulait avancer un peu les standards de formation théologique en Bolivie. Il est arrivé. Quelques années avant son arrivée, il s'est marié avec une autre missionnaire qui était aussi célibataire et à l'âge de 38 ans, je ne sais pas exactement, tous les deux se sont mariés. Et ce couple avait un enfant une petite fille âgée de 3 ans et demi quand Mike Wheeler est venu à Trinity pour faire son doctorat. 6 mois après son arrivée, elle, son épouse, on a découvert qu'elle avait le cancer assez avancé. Double mastectomie et chimiothérapie, je ne sais pas comment le dire, et tout le reste. Puis, apparemment, ça allait bien. Il a cessé ses études pour un bout de temps pour l'aider, tout cela, mais il a continué. Quelques mois plus tard, on a découvert qu'il avait un cancer avancé de l'estomac. Et malgré le fait que Chicago a de centres formidables en ce qui concerne le cancer, chaque centre a dit il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas d'espoir. Mais la mission l'a envoyé au centre Mayo Clinic. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Mayo Clinic. C'est le centre médical de recherche le plus avancé de l'Amérique du Nord. Mayo Clinic, oui. Et ils ont décidé de doter 90% de son estomac et ensuite utiliser des drogues qui étaient, pas pour l'estomac, mais pour les intestins, comme presque un expériment pour essayer si ça pouvait aider ou non. Donc, nécessairement, il n'était plus dans le programme pour presque un an. Il a survécu. Apparemment, il avait une hauteur de 2 mètres. Il était vraiment grand et maigre. Et après cela, encore beaucoup plus maigre. Il fallait manger chaque 2 heures, chaque 3 heures, parce qu'il n'avait plus d'estomac. Hein? Et chaque 2-3 heures, il mangeait un petit peu, puis il continuait. Il est revenu à Trinity pour continuer ses études du 3e cycle. Quelques mois plus tard, le cancer est revenu dans sa femme. Puis elle est décédée. Il a continué ses études. Il est devenu Dr. Wheeler. Il a terminé son cours à Trinity. Et avant de quitter, il a prêché dans notre église, parce que notre église était une des églises qu'il a soutenues comme missionnaire en Bolivie. Il était à veille de retourner en Bolivie avec sa fille, maintenant âgée de 9 ans ou 10 ans. Et tout ce qu'il a dit à travers 40 minutes, tout ce qu'il a dit, il parle de la bonté de Dieu à travers 40 minutes. Et je vous dis, ça c'est la vie chrétienne normale. Le reste, ce n'est pas normal. Et maintenant, c'est le temps des questions et de réponses. Et nous allons terminer tantôt avec un mot de prière. Je dis que c'est normal du point de vue chrétien. C'est normal pour un chrétien. Je ne dis que ce n'est pas la vie moyenne, que ce n'est pas l'expérience moyenne, mais c'est la vie normale du point de vue de la parole de Dieu. C'est-à-dire pour un chrétien qui prend ça normal, que Dieu est bon, qu'il est souverain, qu'on peut se fier à lui, qu'il faut attendre à la mort, que les chrétiens ne sont pas exempts du cancer, qu'enfin, Dieu est juste. Et même dans les circonstances difficiles qu'il a subies, il y avait un grand nombre de chrétiens qui priaient pour lui, qui l'ont aidé, qui ont pris leur tour en gardant, protégeant et la jeune fille, qui ont tout payé ses dépenses, qui l'ont encouragée, qui voulait l'envoyer encore de nouveau en Bolivie pour avoir une vie sérieuse et effectueuse encore de nouveau. C'est complètement normal. Du point de vue biblique, si nous croyons que de Corinthiens 4 est vrai, que Hébreux 12 est vrai, que Romains 8, 28 est vrai, que Matthieu 16 est vrai, que l'expérience de David en psaume 40 est normale, dans un monde perdu, ce côté-ci de la chute, pour une personne qui connaît Dieu. C'est tout à fait normal. C'est nous, des fois, qui ne voulons pas suivre la parole de Dieu, qui sont anormales. C'est tout ce que je voulais dire. Oui. ce qui est présupposé par la citation dans les épîtres pastorales, c'est qu'il y a une si grande différence entre le monde et l'Église. Une si grande différence entre la vision du monde païenne que la vision du monde chrétienne, que c'est inévitable qu'il y a une persécution ou une autre. Peut-être c'est seulement des insultes. Mais prétendre que si nous devenons véritablement chrétiens fidèles, il n'y a aucune réaction de la part de ceux qui ne sont pas chrétiens, signale tout simplement que la force de notre christianisme, de notre expérience chrétienne, n'est pas bien profonde, n'est pas bien claire. Donc, si nous devenons chrétiens et nous essayons de le cacher, ou c'est une expérience totalement privée, ou on le démontre seulement dans l'assemblée locale, mais jamais à notre travail, bon, il n'y aura pas d'insultes, il n'y aura pas de persécution, il n'y aura rien. Mais ce qui est présupposé par le principe, c'est qu'il y a une différence entre les deux. Et c'est pour cette raison que nous devons compter sur le fait qu'il y aura une sorte d'opposition ou une autre. Des fois, dans une société assez tolérante, c'est tout simplement les insultes d'une famille qui n'aime pas les pas que tu prends, disons. Mais ce qui est présupposé, c'est que la vision du monde sous la seigneurie de Jésus-Christ est suffisamment différente que la vision du monde des musulmans, des hindous, des séculiers, de quoi que ce soit, des païens, ça ne fait rien. Que c'est inévitable qu'il y a une opposition ou une autre. Donc, dans ce sens, oui, tous ceux qui vivent sous la seigneurie de Jésus-Christ, avec joie et fidélité, ils vont attirer d'un part ou d'un autre d'opposition. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous être persécutés dans un sens sévère. Oui, c'est bien évident, ce n'est pas le fait. Et dans les périodes de l'histoire où, dans un endroit local, il y a un suffisamment grand nombre de chrétiens, donc dans leur propre communauté, il y a des encouragements et peut-être même ce sont les séculiers qui sont moins puissants et tout cela. Ça peut arriver. Mais ce qui arrive aussi en général dans ces cas, c'est que les soi-disant chrétiens deviennent après un petit bout de temps des chrétiens en nom. Ils commencent à perdre la vitalité. Et quand il y a un mouvement de renouvellement dans l'Église, on commence à discerner qu'il y a une différence entre les soi-disant chrétiens et les chrétiens du point de vue biblique. Et encore, le même principe est introduit, de nouveau, n'est-ce pas? Donc, c'est un principe qui agit toujours si nous disons qu'il y a une différence entre les convertis et les non-convertis, entre vivre sous la croix ou pas vivre sous la croix, entre étant prêt à porter sa croix et ne pas étant prêt à porter sa croix, et ainsi de suite. Vous voyez? C'est inévitable. Mais comment c'est sévère et tout cela? Ça dépend des circonstances de la vie, notre héritage, notre maturité, comment nous agissons et tout cela. Il n'y a pas une formule exactement le pourcentage de persécution qu'il faut démontrer pour prouver que nous sommes véritablement sauvés. Répondre comme cela, ça serait ridicule. Mais le principe, il me semble, est clair. Est-ce que vous avez entendu la question? Non? Si nous croyons que Dieu est souverain et que Dieu est bon, est-ce que ça veut dire donc que tout ce que nous expérimentons dans nos vies est bon et que c'est le meilleur que Dieu a pour nous, c'est la meilleure chose qui pourrait nous arriver parce que c'est le bon Dieu, en effet, qui est souverain? À peu près cela? Oui. Mais notez bien, quand je parlais du troisième pilier, le mystère de la providence, j'ai insisté à la fois que les personnes sont responsables. Il y a réellement le péché. On ne peut pas le nier. Et dans l'eschatologie, nous sommes entre le déjà et le pas encore. Et sous le titre du premier pilier, nous vivons ce côté-ci de la chute. Et ce sont toutes des réalités qu'il faut mettre dans nos pensées quand nous essayons d'évaluer ces choses. Prétendre que tout ce que nous subissons, oui, aujourd'hui, est la meilleure chose possible, donnerait l'impression que la vie de résurrection dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre ne sera pas meilleure. Là, je ne suis pas prêt à dire cela. Mais si vous voulez dire plutôt, donnant que nous vivons ce côté-ci de la chute, donnant qu'il y a tant de péchés dans le monde, donnant que le Seigneur n'est pas encore revenu, donnant aussi le fait que les nouveaux cieux, la nouvelle terre ne sont pas encore arrivés, c'est la meilleure chose pour nous? Si nous sommes son peuple, oui. Malgré le fait qu'il faut dire quand même que c'est la souffrance, c'est horrible et ce n'est pas bon. C'est pour cette raison que j'ai dit le chauffeur qui m'a conduit dans la limousine qu'il faut être outragé par la mort de sa fille. Dans ce sens, ce n'est pas naturel. C'est-à-dire, du point de vue de la création à l'origine, ce n'est pas naturel. La mort, c'est naturel maintenant, mais ce n'est pas naturel. C'est le résultat du péché. Donc, il faut toujours tenir place pour les larmes, la tristesse, être outragé par la souffrance. Parce que dans cette large vision, ce n'est pas naturel et nous allons voir la destruction de toute tristesse. Apocalypse chapitre 21. Mais quand même, quand on reconnaît que toutes ces choses sont les données, ce côté-ci de la chute, nous nous fions à un Dieu qui, dans l'expérience de Joseph, a de bonnes intentions, malgré le fait que les frères avaient de mauvaises intentions dans les mêmes événements. Et nous pouvons nous fier à lui. Ça ne veut pas dire que les événements sont en elles-mêmes bonnes. Mais dans tout le paquet de vivre sous la souveraineté de Dieu, nous pouvons dire, c'est Dieu qui agit, nous pouvons se fier à lui et il est bon. Dans ce sens, ce que vous expérimentez, donnez déjà que c'est ce côté-ci de la chute et tout cela, c'est encore bon. Autrement, prenez des ciseaux, commencez avec Romains chapitre 8, verset 28, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, il y a des tensions dans tout cela. La raison pour laquelle il faut tenir tous ces piliers à place à la fois, c'est si nous visons seulement sur un pilier, puis nous oublions les autres, et nous essayons d'en tirer des conclusions, ça nous mène dans une direction qui, en effet, détruit les autres piliers. Puis on perd la balance. On commence à en tirer des résultats qui, c'est bien évident, ils ne sont pas justes. De prétendre que c'est la meilleure chose possible pour moi. Misère. Vous n'avez pas grande imagination des perfections de la fin du temps, n'est-ce pas? Il faut tenir tous ces piliers à place à la fois. Et c'est pour cette raison que ça prend du temps, il me semble, à absorber cette théologie, cette vision, cette théologie biblique, pour que ça nous forme et réforme. Comment mettre ces choses ensemble et faire l'application qui est juste et fidèle à la parole. Est-ce que ça aide? Oui, c'est merveilleux, n'est-ce pas? De même façon que Christ est mort une fois pour tout, pour subir notre punition, et ce n'est pas quelque chose qui sera répété. Mais quand même, il insiste que quand l'Église souffre, il souffre. Paul, pourquoi m'as-tu persécuté? Ou Saul. De même façon qu'il est tellement identifié avec l'Église que quand l'Église souffre, Jésus souffre. Donc, c'est comme si Paul, l'apôtre, voit qu'il y a une quantité de souffrance inévitable pour le peuple de Dieu avant la fin des temps. Et si c'est la souffrance du peuple de Dieu, destinée pour le peuple de Dieu, parce que Christ lui-même nous a enseigné qu'il faut prendre, il faut porter sa croix, parce que Dieu nous donne la grâce, non pas tout simplement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Lui, l'apôtre Paul, veut prendre un plus grand pourcentage que les autres de ses souffrances, les souffrances de Christ, afin que les autres soient plus libérés. Donc, ce qui est présupposé dans tout cela, c'est encore ce qui est destiné sous la souveraineté de Dieu. Donc, c'est déjà pilier numéro 3, le mystère de la providence. Mais aussi, c'est la signification de la croix et de la persécution. Et si, sous la souveraineté de Dieu, il y a cette souffrance inévitable pour le peuple de Dieu, c'est comme si Paul pense que, oui, s'il y a une quantité de souffrances qui sont inévitables, au moins ce que je peux faire pour mes frères et sœurs en Christ, c'est de prendre un plus grand pourcentage. Misère, ce n'est pas la manière dont nous pensons, hein? Nous voulons toujours éviter la souffrance. Lui, il voulait prendre un plus grande partie afin que ses frères et sœurs en Christ pourraient être plus libérés. Et dans ce sens, il répète d'une manière secondaire une sorte de substitution. Oh, il ne peut pas se substituer d'une façon pénale. Mais s'il y a des souffrances qui sont inévitables et lui, il prend un plus grand pourcentage, il se substitue en effet pour d'autres chrétiens afin qu'ils soient plus libérés. Donc, il répète dans un sens secondaire ce que Christ a fait pour lui. C'est remarquable, il me semble. Mais dans un certain sens, c'est élémentaire. C'est tout simplement l'Évangile. L'implication de l'Évangile, c'est un cœur tellement renouvelé que nous voulons agir comme le Christ. N'est-ce pas? C'est toujours possible de corrompre n'importe quelle doctrine biblique pour que ça devienne une doctrine non biblique. Toujours. N'importe quelle doctrine. Mais je ne supporte pas la corruption, seulement la doctrine. Il y avait une autre question ici. Oui. Oui, c'est une bonne question. C'est une question qui n'est pas facile à répondre dans 2-3 minutes. Je n'aime pas pousser les livres que j'ai écrits, mais j'ai écrit assez sur ce sujet quand même, si vous savez lire l'anglais. Surtout dans le livre « Showing the Spirit », qui étudie 1 Corinthiens 12 à 14 et les dons de l'Esprit, et les passages semblables dans les Actes des apôtres. Et même un peu, ce livre a été traduit en français, « L'inimité avec Jésus », il y a une section là sur Jean 13 à 17 sur la prière. S'y inclut la prière que nous allons faire des meilleures, des plus grandes œuvres que Christ a fait. J'ai essayé d'exposer ces passages dans ce livre et peut-être ça vous aiderait. Il y en a, mais c'est encore seulement en anglais. En français, l'intimité avec Jésus ou l'intimité avec le Christ ou quelque chose comme ça en français. L'intimité avec Jésus. L'intimité avec Jésus en français. Je pense que c'est là. Est-ce que c'est là sur la table? Oui? Pardon? Dans l'intimité de Jésus? Est-ce que vous l'avez? Le tenir debout? Ou non? C'est déjà rejeté dans la boîte. Non, vous n'en avez pas. Bon. Et vous n'en avez plus. Ah oui. Ces belles dames veulent m'encourager. Eh bien, est-ce que ça suffit? Parce qu'autrement, ça serait une autre explication de... Oui, ça ne veut pas dire tout simplement résister au diable et comme ça vous n'allez pas souffrir. Si nous résistons au diable dans la souffrance, c'est possible que Dieu va nous guérir, c'est possible à place qu'il va nous donner une réponse comme la réponse qu'il a donnée à Paul dans 2 Corinthiens 12, c'est-à-dire « Je t'ajoute la grâce ». Donc, nous résistons au diable en se confiant à Jésus, en confessant sa seigneurie, sa souveraineté, sa sagesse, sa bonté. Nous tombons à la séduction du diable si nous commençons tout simplement à nourrir notre amertume, à blâmer Dieu, à nous mettre en rébellion parce que nous souffrons, donc nous n'allons pas nous soumettre à Jésus ou quoi que ce soit. Qui gagne? Le diable. Résister au diable, donc, cela inclut nécessairement se soumettre à Jésus et à la parole de Dieu, à l'Évangile. Et donc le confronter avec exactement les mêmes outils qui sont mentionnés, ou les mêmes fondations, disons, qui sont mentionnés dans l'Apocalypse chapitre 12 que nous avons lu ce matin. Ils sont capables de vaincre le diable par le sang de l'agneau, par la prédication de l'Évangile, c'est-à-dire par le mot de leur témoignage. Et ils sont prêts à souffrir jusqu'à la mort. C'est comme ça que nous vaincrons le diable. De même façon que Jésus voyait la foule dans Jean 11, en ce qui concernait la mort de Lazare, les larmes, la tristesse, sans consolation, désespoir, et il était à la fois outragé et à la fois il était rempli de tristesse et il a pleuré. Donc, tout ce qui donne la tristesse au Saint-Esprit, c'est de voir n'importe quel péché contre Dieu, n'importe quelle résistance contre lui, contre la seigneurie de Jésus, contre la confession que Dieu est Dieu. C'est toujours... Et ça signale aussi que le Saint-Esprit n'est pas tout simplement un pouvoir. Un pouvoir n'a pas de tristesse. Il est une personne. Et donc, quand il voit comment nous agissons, quelle sorte de motivation nous voulons des fois nourrir et tout cela, il se trouve dans la tristesse et sans doute aussi outragé par tout ce qui est méchant, tout ce qui est... Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est en rébellion contre Dieu. Je ne pense pas qu'il y a une catégorie petite de péché qui le rend triste et d'autres catégories le rend outragé ou quelque chose comme cela. Hein? Pardon? La réponse est presque donnée dans la question, n'est-ce pas? Tu peux répondre aussi bien que moi. Pardon? Lui-même, dans le sens que ça mène vers la sainteté dans les personnes qui l'habitent. Et on prie avec eux, ils sont prêts à prier avec nous, oui, oui, mais ils ne sont pas chrétiens. Ah, c'est une merveilleuse occasion. On prie non pas tout simplement pour leur délivrance, mais on prie surtout pour leur délivrance du danger de jugement. On prie que le Seigneur ouvre leurs yeux afin qu'ils puissent voir les beautés de Dieu, la grandeur de Dieu, la transcendance de Dieu, la sainteté de Dieu, l'amour de Dieu, et qu'ils viennent à l'expérimenter pour eux-mêmes, surtout dans tout ce que Christ a accompli sur la croix. C'est une occasion pour prêcher l'Évangile encore de nouveau, n'est-ce pas? C'est une prière en public. Et si nous prions seulement pour la souffrance qu'ils subissent, ça donne l'impression, une impression assez fausse, que l'Évangile ou les chrétiens ou les églises évangéliques sont intéressés seulement à des mots de magie pour améliorer notre souffrance ou nos épreuves. C'est tout. Et s'il y a bon résultat, mais peut-être je vais aller à l'église un jour. Et sinon, bon, ça prouve que ça vaut rien. Encore une fois, s'ils sont prêts à prier avec nous, que nous prions avec eux, c'est le temps nécessairement de au moins introduire une vision plus large, plus grande. Et même c'est le temps de se souvenir dans la prière du fait que Christ a souffert pour nous. Il connaît la souffrance. Nous te remercions, bon Dieu, que tu n'es pas un Dieu tellement éloigné que tu ne connais pas nos souffrances. Tu les connais parce que ton Fils a tout subi sur la croix du Calvaire. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est le temps, voyez-vous, de donner au moins au noyau, je ne sais pas. Le centre de cette vision, la théologie de la souffrance qui vit sur l'Évangile et la croix, Jésus-Christ encore de nouveau, n'est-ce pas? Et c'est pour cette raison que ce n'est pas rare que des personnes sont plus ouvertes quand ils souffrent. Ce n'est pas rare. Des fois, c'est difficile de prier avec un voisin quand tout va bien dans sa vie. S'il vient d'apprendre qu'il a du cancer, hein, probablement il est beaucoup plus prêt qu'un voisin qui est chrétien prie avec lui. Donc ça donne une ouverture vers l'Évangile, n'est-ce pas? Ne pas l'utiliser, c'est ridicule. Oui, oui, oui. J'ai eu assez d'occasions quand j'ai parlé avec une femme, par exemple, qui a été abusée par un oncle ou un père ou quelque chose comme cela quand elle était jeune. Et maintenant, elle a, disons, 35 ans. Elle commence à avoir de grands troubles dans son mariage. Et elle est encore amère vers son père, disons. Et elle ne peut pas véritablement se donner librement à son mari. L'injustice soutient tout cela. Comment aborder cette question? C'est véritablement difficile. Et il ne faut jamais, jamais, jamais donner l'impression « Oh, c'est pas si grave que cela. » Il y a une place pour être outragé. Mais quand même, il y a plusieurs choses. Souvent, dans ce cas, mais ce n'est pas la même chose dans chaque cas, mais dans ce cas, il faut insister que ce n'était pas sa faute. Il y a bien des femmes dans cette, à la suite de cette expérience, qui, à un certain niveau de leur vie, pensent qu'en partie c'était leur faute. Ils ne peuvent pas se pardonner. Elles estiment qu'elles sont sales, pas tout simplement parce qu'elles ont été violées, mais parce qu'elles étaient compromises. Et il faut, il me semble, insister qu'il y a une catégorie de la souffrance injuste, la souffrance des innocents. Il faut revenir à Job. Ça fait partie du conseil. Mais en plus, tôt ou tard, même si elles arrivent à comprendre cela, il me semble, il faut, un jour ou un autre, qu'elles pardonnent l'offenseur. Même si l'offenseur doit aller en prison, du point de vue personnel, tôt ou tard, il faut qu'elle pardonne son offenseur, même si l'offenseur n'est pas brisé par cela. Je me souviens d'une femme à Cambridge. Je connaissais le cas et je lui ai dit, « Probablement ton père va seulement te moquer de toi. » Mais ce n'est pas la question, tu le pardonnes seulement s'il accepte. Mais pour te libérer, en vue de textes comme Matthieu chapitre 6, si tu ne pardonnes pas les offenses des autres, etc., etc., c'est la femme elle-même qui est chargée de fardeau parce qu'elle ne peut pas pardonner. Elle nourrit son amertume. Son amertume est comprenable, mais ce n'est pas une solution. Tôt ou tard, il faut qu'elle voie elle-même que même dans le temps quand elle a été violée, la personne le plus offensée, c'était Jésus. C'était Dieu. Dans chaque crime, dans chaque péché, la personne le plus offensée, ce n'était pas même dans cette circonstance, elle, mais Dieu. Autrement, encore les ciseaux pour couper psaume 51. Vous voyez? Et donc, ça commence à redresser comment penser même de cette violence et dire, si Dieu m'a pardonné pour mes offenses, je dois pardonner les autres pour leurs offenses. S'il y a des offenses envers moi que je ne peux pas pardonner, est-ce que je me repens véritablement devant Dieu? On revient donc à l'Évangile, encore de nouveau, n'est-ce pas? Et des fois, ça prend du temps pour y aller, mais j'ai vu des cas où des femmes étaient complètement libérées par une bonne compréhension de l'Évangile. Et j'ai vu des occasions quand elles ont choisi tout simplement de nourrir leur amertume, puis ça finissait là. Oui, c'est difficile, vraiment difficile. Des situations comme Rwanda, pas tout simplement des personnes mises à mort par génocide, en effet, mais des milliers et des milliers de personnes violées. Où commencer avec cela? Il n'y a pas d'espérance du tout, sauf l'Évangile. Rien. Oui, oui, mais il faut le dire et l'expliquer d'une façon qu'ils apprennent ça de la parole et qu'ils ne pensent pas que nous donnons tout simplement des clichés et que nous ne comprenons pas parce que nous sommes des hommes. Et donc, ça prend humilité, sagesse, patience. Des fois, nous pouvons avoir raison et l'exprimer d'une façon qui excite tout seulement une réaction. À la place du pasteur ou à la place de l'homme qui voulait se suicider? Je dirais non. Je ne pense pas que le suicide est un choix pour une personne, soit chrétien ou non. Oh, de l'attitude. Si, et est-ce que le pasteur avait une relation homosexuelle avec cet homme ou non? Pas du tout. Non, non. Toujours la compassion. Je connais un grand nombre de chrétiens qui donnent beaucoup d'aide à des personnes homosexuelles, soit avec le sida ou non. Un grand nombre de chrétiens qui sont remplis de compassion ou qui ouvrent leur foyer, qui les visitent à l'hôpital, qui essaient d'améliorer leur souffrance et ainsi de suite, et aussi de partager l'Évangile. Je me souviens, ce n'était pas le cas d'une personne avec le sida ou avec homosexualité, mais quand j'étais pasteur dans une église quelque part, une famille dans notre assemblée m'a introduit à un homme de l'autre côté du chemin où il vivait. Cet homme avait 44 ans. Lui et son épouse, qui avait 57 ans, pour elle, c'était son deuxième mariage. Pour lui, c'était le premier. Ils étaient vraiment riches. Ils possédaient deux ou trois journaux à Vancouver et ils avaient beaucoup d'argent. Mais tous les deux étaient alcooliques, assez avancés. Et la famille chrétienne de l'autre côté du chemin m'a introduit à cet homme. Et la première fois que je suis allé le voir, c'était, je ne sais pas quoi, trois heures et demie l'après-midi, j'ai frappé à la porte. Il était là, il portait encore le smoking, oui. Il portait encore le smoking qu'il portait la veille avant. Il sentait d'alcool et de fumée. Et ce couple avait deux chiens qu'il ne laissait jamais sortir. Donc, vous pouvez imaginer le sentir dans la maison. C'est épouvantable. Et je me suis introduit et je l'ai invité avec moi pour prendre une tasse de café quelque part. Et j'ai essayé de parler avec lui. Et je faisais ça deux, trois fois par semaine à travers des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. Il m'a dit que les docteurs lui ont dit que s'il continuait à boire, il serait mort avant un autre 4 ans, un autre 6 mois. Et mais chaque fois que je suis allé le voir, il buvait encore, sentait encore dans son smoking, une partie la veille, tout cela. Mais le plus que j'ai essayé de le connaître et d'être son ami, j'ai pris des repas avec lui, je commençais à le connaître et de parler de toutes sortes de choses. En fin de compte, je le connaissais suffisamment bien pour lui dire directement, « Mon cher ami, si tu continues comme cela, » et ça, c'était après avoir expliqué l'Évangile, comment Dieu peut nous donner la puissance de briser ces chaînes, ou même si, est-ce qu'il voulait même que nous l'entrions dans un hôpital pour les alcooliques? Qu'est-ce qu'il voulait? Nous serions prêts à l'aider. Et en fin de compte, je lui ai dit, franchement, si tu continues comme ça, tu ne seras pas tout simplement mort, tu seras à l'enfer. Tu es sous le jugement de Dieu et Dieu t'offre le pardon. Il a répondu, I'd rather be in hell than married to that bitch. Et 3 semaines plus tard, il est mort. Il faut reconnaître que des fois, on peut offrir tout ce qu'on veut, on peut essayer d'expliquer l'Évangile, on peut essayer d'aider, mais en fin de compte, il y a des personnes qui sont tellement perdues, tellement aveugles, qu'il n'y a pas de moyen de les aider. Ça prend encore la compassion, ça prend encore un message direct, soit à votre homosexuel, soit à mon ivrogne. Mais quand même, ça prend la compassion et la fidélité en témoignage, faire ce qu'on veut, et des fois on voit des conversions et des fois on ne les voit pas. Quoi. La vie est compliquée. C'est une question de notre fidélité vis-à-vis le Seigneur et l'Évangile quand nous voyons la souffrance. Pas la garantie de l'efficacité ou de la réponse. Ça, nous ne pouvons pas contrôler. Même si nous pardonnons quelqu'un, ça ne veut pas dire que Dieu les a pardonnés. Si c'est un choix pour nous entre retenir l'amertume, c'est notre esclavage qui est en vue. Relire les deux versets à la fin de la prière du Seigneur dans Matthieu chapitre 6. Relire Matthieu 6, 14 et 15. Encore un autre livre. J'ai écrit tout un chapitre sur le pardon dans le livre. J'oublie le titre. C'est le livre qui a suivi The Difficult Doctrine of the Love of God. C'est sur... j'oublie le titre. Je ne peux pas même me souvenir de mes propres titres. Je vais en parler à je ne peux pas me souvenir de son nom non plus. À Mike Evans. Puis, si ça vous intéresse, il pourrait vous donner le titre de ce livre. C'est tout un chapitre sur les principes de pardon dans la Bible. Mais encore, ça prendrait assez longtemps pour balancer ces textes ensemble. Eh bien, prions Dieu. Nous te remercions, Père Céleste, pour ta grandeur, ta beauté, ta souveraineté. Tu es saint, tu es parfait. Tu n'as pas besoin de nous. Mais tu nous as créés pour ta gloire et notre bien. Et quand nous sommes tombés, tu ne nous as pas rejetés complètement, mais dans la plénitude du temps, tu nous as envoyé ton Fils unique. Quelle chose merveilleuse, le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui est notre juge, le Dieu qui est en colère contre nous, nous aime jusqu'à la croix. Nous te remercions que notre destination, ce n'est pas seulement la poussière, mais les nouveaux cieux et la nouvelle terre. La résurrection, la perfection de sainteté dans la consommation, et que tout a été payé par ton bien-aimé Fils, notre Sauveur et Seigneur. Nous commençons à reconnaître, pas malheureusement avec grande vision, mais nous commençons à reconnaître que si ce n'était pas pour ta miséricorde, nous aurions beaucoup plus souffert. Qui est en fin de compte notre dû? Mais parce que tu es miséricordieux, parce que tu es patient, tu annonces l'Évangile et tu envoies ta pluie et ton soleil sur les justes et sur les injustes, et tu nous invites, tu commandes que nous courbions le genou. Tu te révèles dans la personne surtout de ton Fils et tu envoies le Saint-Esprit pour nous ouvrir les yeux. Et nous confessons que si ce n'était pas pour la grâce du Seigneur, si ce n'était pas pour la puissance du Saint-Esprit, nous serions, comme les autres du monde, des rebelles. Et nous regrettons profondément qu'il y a tant de rébellion encore dans nos cœurs. tant d'orgueil, libre-nous, Seigneur, de nos péchés. Nous avons hâte de la consommation, quand il n'y aura que la perfection et la centralité de Dieu des dieux et l'agneau sur son trône. Et dans ce monde, Père céleste, donne-nous maintenant à suivre notre Sauveur, à le suivre non pas tout simplement dans ses vérités, dans ses commandements, dans son amour, mais aussi dans la souffrance, afin que nous puissions se réjouir de la communauté avec lui. Connaître le Seigneur non pas seulement dans son pouvoir, mais dans sa souffrance, afin que nous soyons perfectionnés. Même prendre un plus grand pourcentage pour le bien des autres, de frères et sœurs en Christ. Rends-nous dignes d'être persécutés. Et donne-nous une joie de notre privilège en Christ, afin que ça sera impossible de cacher notre confession de foi, ni par nos paroles, ni par nos vies. Et remplis-nous de nouveau de ton amour, du Saint-Esprit, de l'espérance, de foi, afin que nous soyons de plus en plus conformes à l'image de Jésus-Christ et fidèles dans notre génération, dans nos assemblées, dans nos pays. Nous te le demandons au précieux nom de Jésus. Amen.